1 Corinthiens chapitre 14. Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Parce que celui qui parle une langue inconnue, ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes qui l'entendent. Celui qui parle une langue inconnue, s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise, édifie l'Église. Je désire bien que vous parliez toutes diverses langues, mais beaucoup plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise, est plus grand que celui qui parle diverses langues, si ce n'est qu'il interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Maintenant donc, mes frères, si je viens à vous, et que je parle des langues inconnues, que vous servira cela, si je ne vous parle par révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent leur son, soit un hautbois, soit une harpe, ne forment des tons différents, comment connaîtra-t-on ce qui est sonné sur le hautbois, ou sur l'harpe? Et si la trompette rend un son qu'on n'entend pas, qui est-ce qui se préparera à la bataille? De même si vous ne prononcez dans votre langage, une parole qui puisse être entendue, comment entendra-t-on ce qui se dit? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qu'il se rencontre, tant de divers sons dans le monde, et cependant aucun de ces sons n'est muet. Mais si je ne sais point ce qu'on veut signifier par la parole, je serai barbare à celui qui parle, et celui qui parle, me sera barbare. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur des dons spirituels, cherchez d'en avoir abondamment, pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi, que celui qui parle une langue inconnue, prie de telle sorte qu'il interprète. Car si je prie en une langue inconnue, mon esprit prie, mais l'intelligence que j'en ai, est sans fruit. Quoi donc? Je prierai d'esprit, mais je prierai aussi d'une manière à être entendu, je chanterai d'esprit, mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu. Autrement, si tu bénis d'esprit, comment celui qui est du simple peuple, dira-t-il Amen, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Il est bien vrai que tu rends grâce, mais un autre n'en est pas édifié. Je rends grâce à mon Dieu, que je parle plus de langue que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles d'une manière à être entendue, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en une langue inconnue. Mes frères, ne soyez point des enfants en prudence, mais soyez de petits enfants en malice, et par rapport à la prudence, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, et ainsi ils ne m'entendront point, dit le Seigneur. » C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non point aux croyants, mais aux infidèles, la prophétie, au contraire, est un signe non point aux infidèles, mais aux croyants. Si donc toute l'Église s'assemble en un corps, et que tous parlent des langues étrangères, et qu'il entre des gens du commun, ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes hors du sens? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelqu'un fidèle, ou quelqu'un du commun, il est convaincu par tous, et il est jugé de tous. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, de sorte qu'il se jettera sur sa face, et adorera Dieu, et il publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Que sera-ce donc, mes frères? C'est que toutes les fois que vous vous assemblerez, selon que chacun de vous aura ou un psaume, ou une instruction, ou une langue étrangère, ou une révélation, ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle une langue inconnue, que cela se fasse par 2, ou tout au plus par 3, et cela par tour, mais qu'il y en ait un qui interprète. Que s'il n'y a point d'interprète, que cet homme se taise dans l'Église, et qu'il parle à soi-même, et à Dieu. Et que 2 ou 3 prophètes parlent, et que les autres en jugent. Et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tout s'apprenne, et que tout soit consolé. Et les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes. Car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que les femmes qui sont parmi vous, se taisent dans les églises, car il ne leur est point permis de parler, mais elles doivent être soumises, comme aussi la loi le dit. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari dans la maison, car il est malhonnête que les femmes parlent dans l'église. La parole de Dieu est-elle procédée de vous, ou est-elle parvenue seulement à vous? Si quelqu'un croit être prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris, sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. C'est pourquoi, mes frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez point de parler diverses langues. Que toutes choses se fassent avec bienséance, et avec ordre.